Toi et moi, ça ne marchera jamais. Je croyais t'aimer, mais bien sûr je me trompais. J'aurais dû savoir que tu aimais les agressions.